Chapitre 9. Quand la CIA espionnait sur le sol américain. Un apport des bijoux de famille, ces archives sensibles déclassifiées pendant l'été 2007, est de montrer l'étendue des activités domestiques de la CIA, en violation de sa propre charte, sous les présidences Johnson et Nixon. Les dossiers de l'agence montrent bien l'atmosphère de paranoïa qui régnait à Washington pendant la guerre du Vietnam et le rôle d'une bureaucratie libre de tout contrôle. On trouve dans les dossiers un premier exemple de dérapage domestique lorsque, pour faire plaisir au parrain mafieux Sam Giancana, associé à la lutte anticastriste, voir le chapitre précédent, la CIA accepte en 1960 d'espionner sa maîtresse, la chanteuse Phyllis McGuire, que Giancana soupçonne d'infidélité. Une équipe est envoyée à Las Vegas pour poser des micros dans la chambre d'hôtel de la chanteuse. Mais une femme de ménage découvre le matériel d'écoute dans la chambre des espions et le signale à la police. Un technicien de l'agence est arrêté et la CIA est obligée d'avouer son implication. Un autre document nous révèle que, sous la présidence Kennedy, le directeur de la CIA, John McCone, a autorisé l'usage d'un avion gouvernemental pour transporter le milliardaire grec Aristote Onassis et sa compagne Maria Callas de Rome à Athènes. Sans être grave en soi, cette privation des ressources de l'agence révèle une mentalité qui la situe clairement au-dessus des lois communes. En 1967, le président Lyndon Johnson est convaincu que les mouvements pacifistes américains sont manipulés et financés par des gouvernements communistes. Il demande à la CIA de lui en apporter les preuves. Dans ses mémoires posthumes, le directeur de l'époque, Richard Helms, dit lui avoir fait remarquer que cette mission domestique sortait du champ d'action de la CIA. Johnson lui aurait répondu « J'en suis bien conscient, mais ce que je veux, c'est que vous enquêtiez sur ce dossier et fassiez ce qu'il faut pour poursuivre les communistes étrangers qui sont derrière cette ingérence inacceptable dans nos affaires domestiques. » Helms obéit. La CIA entreprend une vaste opération d'espionnage domestique portant le nom de code Chaos, qui se poursuivra pendant 7 ans. Helms crée un groupe d'opérations spéciales dédié. Les officiers enrôlés doivent se laisser pousser les cheveux, apprendre le vocabulaire des jeunes gauchistes et partir infiltrer les groupes pacifistes aux États-Unis et en Europe. Un mémo des bijoux de famille révèle que plusieurs de ces officiers ont protesté, jugeant cette mission humiliante pour eux et embarrassante vis-à-vis de leur famille. L'agence établit un fichier de 300 000 noms d'Américains ou de groupes et ouvre des dossiers sur 7 200 citoyens, travaillant main dans la main avec d'autres services de police. Un document concerne les projets d'activistes visant à perturber la Convention nationale du Parti républicain de 1972 et désigne John Lennon comme un des financiers de ce groupe protestataire. Mémo interne de la CIA, extrait des bijoux de famille, 23 février 1972. Objet. Soutien étranger d'action planifiée dans le but de perturber et déranger la Convention républicaine nationale. John Lennon, un sujet britannique, a apporté un soutien financier au projet YES, qui à son tour a payé les frais de déplacement d'un représentant de Rennie Davis, meneur activiste anti-guerre, à la World Assembly. Le représentant de Davis a prévu pour l'instant de participer aux préparations d'actions visant à perturber la Convention de San Diego. Le projet YES est une annexe d'un autre projet soutenu par Lennon, le Centre d'information stratégique de l'année électorale, dont Rennie Davis est un des meneurs clés et qui a été monté pour diriger les activités contestataires de la Nouvelle Gauche à la Convention républicaine nationale. À Paris, le représentant de Davis à la World Assembly, a eu au moins une réunion avec des membres du gouvernement révolutionnaire provisoire du Vietnam du Sud. On ne sait pas si la Convention républicaine nationale faisait partie des sujets abordés. D'autres personnalités gauchistes, comme Jane Fonda, sont l'objet de mémos. Le plus étonnant est que le projet Chaos dure 7 ans, alors que de l'aveu même de la CIA, il n'y a rien à trouver. Aucune preuve ne peut être établie quant à la manipulation d'activistes américains par des communistes étrangers. Cela n'empêche pas Lyndon Johnson, et après lui Richard Nixon, de s'obstiner à réclamer des enquêtes plus approfondies, refusant de croire à la spontanéité des mouvements contestataires. D'importantes ressources de la CIA auront ainsi été mobilisées en territoire américain pour rien, à une époque où les points chauds se multipliaient pour les États-Unis partout dans le monde. On pourrait croire cette époque révolue et le projet Chaos une simple anomalie dans l'histoire de la CIA. Pourtant, depuis le 11 septembre 2001 et le vote du Patriot Act, les citoyens américains sont soumis à une surveillance d'encore plus grande ampleur. Le Pentagone a ainsi reconnu qu'il entretenait une base de données, nommée Talon, fichant les activistes anti-guerre d'Irak. De son côté, la National Security Agency peut maintenant espionner les conversations téléphoniques et échanges d'e-mails de citoyens américains avec les pays étrangers. Jusqu'à une époque récente, l'opinion acceptait ces contraintes au nom de la lutte contre le terrorisme, cause beaucoup plus noble que la chasse aux gauchistes des années 1960.